Il fallait entendre, dans le gazouillant parler arlésien, la grâce orgueilleuse et charmante que prenait ce mot de gentilhomme, appliqué ainsi à un simple faiseur de verre. Et votre frère s'appelle Tiston, tout simplement Tiston. Comme il faut que je m'arrête ici, vous lui donnerez bien le bonjour. La mission me fut commode à remplir. Aussitôt arrivé, Mistral, avec sa goyeuse bonhomie, me présente Tiston, le célèbre Tiston, qui fabrique des chansons et des muraillettes, et qui s'est même improvisé entrepreneur, bâtissant à perte la mairie de son village pour avoir la gloire d'y mettre sur la porte une inscription provençale de sa façon. « Mais nous sommes de vieux amis, » répondis-je, en tendant la main à Tiston, que je venais de reconnaître. « Nous avons trinqué ensemble, il n'y a pas longtemps, chez Maître Bermond, au Muscadel. » Comment ? Ce gueusard de Tiston était allé au Muscadel et ne m'en avait jamais rien dit. « Voyons, Tiston, expliquons-nous, qu'allais-tu faire au Muscadel ?»« J'étais allé comme ça, me louer en moisson. »« Comme ça ?» Alors comme ça, un beau jour, l'homme tranquille, tu as pris ta faucille et tes doigtiers, tu as traversé la montagne, tu es parti au diable, en pays perdu, peut-être à des lieues de chez toi, le tout sournoisement, en cachant tes titres, ton nom, et tu voudrais nous faire croire que cette conduite est naturelle.